cours numéro 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fanwasil fi darsina bi'idhnillahi jalla wa ala kitab al-siyam min al-mulakhas al-fiqhi للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. في درسنا الأخير أخذنا ما يتعلق بالسحور. من يذكر دليلا في فضل السحور؟ تفضل. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أحسن. تسحروا فإن في السحور بركة. ومتى آخر وقت السحور؟ عند من آخر وقت السحور؟ قبل فجر الفجر. قبل طلوع الفجر. نعم. قبل كم؟ فمثلا إذا كان الفجر في الساعة الخامسة فإلى متى يجوز يشرع له أن يأكل؟ نعم، إلى الفجر. أما قبل الفجر فهذا واضح، فإلى الفجر. فإذا طلع الفجر الصادق فهي هذا الحال يحرم جميع المفطرات على الصائم. ما الدليل من القرآن ومن السنة على هذا، على آخر وقت السحور؟ تفضل. ومسائل أخرى سهلة تقدمت. Des autres points qu'on avait vus ensemble في السحور dans le درس précédent. أما اليوم فنقرأ بعون الله عز وجل ما يتعلق بالإفطار. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أما الحديث الأول ففي الصحيحين، حديث سهل رضي الله عنه، والحديث الثاني ضعيف. إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ضعيف. في حديث الفاب لدوزيام أخرجه الإمام الترمذي وفي إسناده قرة Ibn Abd al-Rahman. Dans la chaîne de transmission, il y a un narrateur qui s'appelle Qurra Ibn Abd al-Rahman. قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث جدا. نعم، فلهذا الإمام ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ضعفوه. إذا ضعف هذا الحديث بسبب هذا الراوي قرة ابن عبد الرحمن يرحمك الله. والحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله كما في ضعيف الترغيب. الشيخ الألباني رحمه الله عليه إلى جوجي كسحاديث الفب، وهو كما قال رحمه الله عليه. فالسنة أن المسلم يدواس بخسيبتي عغم بخسنجن فلا ينتظر. فإذا غربت الشمس، وتقدم معنا أن الضابط في الإفطار وكذلك في الإمساك طلوع الفجر في الصباح وغروب الشمس على فان de la journée. أما on répète أن المؤذن إذا أخر أو قدم فأنا pas à le suivre في هذا الحال. فلهذا تأملوا قول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. هذا سي المؤذن et fait l'adhan à l'heure. Mais s'il retarde, wa gharabat ash-shams, le soleil s'est couché, et ce mu'adhin il retarde de 5 minutes ou 10 minutes, comme yaf'al al-ba'd, comme ils font certains, comme on a cité fi sahour, min bab al-ihtiyat, pour ne pas prendre de risques. Et on avait lu Kalam Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullah alayh. On le répète هنا ما يتعلق بغروب الشمس. On avait lu la partie في ما أذكر في ما يتعلق بالسحور. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كما في الفتح من البدع المنكر ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر. هذا on l'avait lu ensemble dans le dars précédent في السحور. قال وقد جرهم ذلك لأنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة كأنه لتمكين الوقت نعم بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة بسبب هذا الاحتياط soi disant c'est une sécurité pour ne pas prendre de risque. بعضهم certains مؤذن ils ont avancé وقت السحور وقت الأذان الفجر alors qu'il y a encore le temps de manger لأن الفجر الصادق c'est pas encore l'heure, on est encore dans la nuit. فقدموا certains ils avancent de une demi-heure ou أكثر. وتقدم معنا أن هذا فيه مخالفة للسنة واضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أنه يجوز الأكل بل في القرآن الكريم. On a cité les versets au début du dars. أنه يجوز de manger, de boire حتى يطلع الفجر الصادق. فهؤلاء قدموا كذلك مفسدة كبيرة أن ceux qui font salat chez eux, كالنساء مثلا, ربما si elle entend l'adhan elle va arrêter de manger alors que يجوز لها تأكل وتشرب, il y a encore du temps. Et plus grave encore c'est que le بعض comme les malades, les femmes qui ne peuvent pas aller au masjid, ربما ils vont faire salat avant l'heure. Si le mu'adhin fait une demi-heure avant le waqt, fa salat ghayr sahiha. Fi hadha al-hal, on ne suit pas le mu'adhin la fi salatin pour faire salat, wa la fi al-imsak pour le matin, wa kadhalik pour le soir, si c'est l'heure, fa yushra', bal c'est mustahab de se précipiter à rompre le jeûne. Qala al-hafidh rahmatullah alayh, fa lidhalika qalla 'anhum al-khayr wa kathura fihim ash-sharr. والله المستعان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل كنا لو ensemble قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أي les gens ils seront dans le bien tant qu'ils se précipitent à rompre leur jeûne. Enfin, vu que de nos jours à l'époque de الحافظ رحمة الله عليه et de nos jours كذلك كثير من المؤذنين ils respectent pas cette sunna, ils se précipitent في الصباح alors que السنة c'est de c'est, on a le droit de manger bel adhan, il faut le faire à l'heure, pas avant. Et le soir, on doit se précipiter à rompre, et hum, il retarde. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Vu que ce point, il y a des mukhalafat fi, fakathura ash-sharr. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de sharr à cause de cette mukhalafa et d'autres. كما قال عز وجل وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم c'est pas un bien pour le musulman, pour l'umma. حتى ce point بعض الناس ربما ils lui donnent pas de l'importance. تأمل قول الأئمة كالحافظ رحمة الله عليه وغيره. المهم la précision qu'on voulait faire هنا أن الضابط في الإفطار et كذلك في الإمساك c'est le وقت. فسي le مؤذن respecte le وقت. Alhamdulillah, l'adhan, ça nous montre que c'est l'heure de manger ou c'est l'heure de s'arrêter. S'il le fait à l'heure, s'il ne le fait pas à l'heure, bah, on regarde l'heure. Si le waqt al-sahur, il y a encore du temps, fayajouz que tu manges et tu bois, même s'il a fait l'adhan. Et fil le maghrib, s'il retarde, al-mu'adhin, il retarde l'adhan, fayajouz, yushra' plutôt, al-fitr, de manger, même s'il retarde, même s'il n'a pas fait l'adhan. Qala al-allama al-sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, رحمة الله عليه في الشرح الممتع المعتبر غروب الشمس لا الأذان Al-Mu'tabar, ce qui est pris en considération, c'est Ghurub al-Shams, là l'adhan. Si le Mu'adhin il fait à l'heure, fait l'haqiqa, on a pris en compte l'heure. Et le Mu'adhin, alhamdulillah, il fait l'adhan à l'heure. Lakin, s'il avance, ou s'il retarde, fait l'ibra, c'est l'heure. On n'a pas à suivre le Mu'adhin fi hadha al-hal. Innama al-ta'a fi al-ma'ruf, qala alayhi salatu wassalam. Que ce soit avec les gouverneurs ou autres, l'obéissance, c'est fi al-ma'ruf. Le suivi, c'est fi al-ma'ruf. Si un imam, un mu'adhin, un savant, il khalif al-haq pour une raison, on n'a pas à le suivre. Celui qui doit être suivi, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala la siyama fil waqt al-hadir, haythu ya'tamidu al-nas ala al-taqwim, thumma ya'tabiruna al-taqwim bi sa'atihim. Et c'est là le problème. C'est que kathirun min al-mu'adhinin, ils se basent sur les calendriers, ou de nos jours sur les applications. Et beaucoup de ces calendriers, ils retardent le Maghrib, min bab al-ihtiyat. Ah oui, ils avancent le sahour, min bab al-ihtiyat, za'amu. Fait le mu'adhin, rubbama, il va suivre le calendrier, et certains mu'adhinon, ils vont rajouter une sécurité de leur part. Fait rubbama, le adhan sur le calendrier, c'est à 17h, alors que al-asl, c'est que c'est à 17h moins 10, et où ils vont encore rajouter à 10 minutes. Rubbama, il va le faire à 17h05 ou 17h10. Fait le haqiqa, al-shamsu gharabat depuis quelques minutes. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير حتى se baser sur les montres. Cette montre, elle peut retarder, elle peut avancer, c'est pas quelque chose de précis. فلهذا المهم المشروع pour le muadhin, c'est qu'il se base sur le soleil. ولو quelques fois par semaine, même si c'est pas tous les jours. Les anna, s'il le fait pas tous les jours, il y aura pas une grande différence entre aujourd'hui et demain, mathalam. Lakin délaisser ru'yat ash-shams et se baser sur la montre, hada, ça cause ce problème dans les heures, que ce soit fi salat ou fi siyam. Pourquoi les anna mukhalafat as-sunnah, il y a aucun bien. C'est pour ça que kadhalik dans l'entrée du mois de Ramadan, on avait dit anna al-ibra, c'est بالرؤية رؤية الهلال. أما les calculs des calendriers, ça peut avancer, ça peut retarder. فالنبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré la solution في هذا. فمخالفته صلى الله عليه وسلم ça cause des problèmes et des divergences. قال رحمة الله عليه أي شيخ ابن عثيمين فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر. Si le soleil s'est couché, tu l'as vu, on t'a informé que le soleil s'est couché et le mu'adhin il n'a pas encore fait l'adhan, tu as le droit de manger. Qala wa law adhanu wa anta tushahiduha lam taghrib falaysa an tuftir. كذلك l'inverse, si le mu'adhin il avance l'heure et il fait l'adhan et anta, tu sais, tu vois, on t'a informé que le soleil ne s'est pas encore couché, t'as pas le droit de rompre ton jeûne. On a encore fait le nahar. Et yajibu l'imsak ila ghuroub ash-shams. Hada an-naql min ash-shaykh ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, les tayyib, ça te montre que l'ibra c'est al-ghuroub. Et le matin, tulu' al-fajr as-sadiq. C'est ça l'ibra. Si le mu'adhin il avance ou il retarde, on n'a pas à le suivre fi hada al-hal. Lakin tanbihun, et on avait cité ce tanbih fi sharh 'umdat al-ahkam, Anna, si tu es avec des gens qui ne comprennent pas هذه المسائل, ta'lamoun anna al-awam al-ibra indahum c'est le mu'adhin. Ils ne connaissent pas ce genre de points, ils ne connaissent pas ces ahadith. Fa indahum, si le mu'adhin il fait l'adhan, tu peux rompre. On prend l'exemple du Maghrib. S'il ne fait pas l'adhan, inda ba'dihim, même rubbama, la nuit elle commence à tomber, il ne mangera pas. Fa dans ce cas, al-hikmah, on leur montre billati hiya ahsan bi'ilm, tu leur expliques si tu as la qudra et si ça fait des fitan fatani, comme il a démontré l'imam al-Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi qala al-mas'alatu tahtaj ila hikma. Pourquoi? لان البعض ربما, ils ont été la cause de divergence dans leur masjid, annahum al-mu'adhdhin, ils se lèvent pour faire l'adhan et ربما gharabat ash-shams, ta'lamun an al-mu'adhdhin ahyanan il retarde d'une minute, deux minutes, trois minutes, aqal, akthar. Et tu trouves, ba'd al-ikhwa, rubbama, ils mangent devant tout le monde et ça fait des fitanes, alors qu'ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas montré, ils n'ont pas conseillé. Bal al-ba'd, rubbama, volontairement pour créer des polémiques et des fitan, iyadam billah. Enfin, ça, c'est pas min al-hikma. As-sunni, as-salafi, c'est une rahma pour les autres. S'il est à la ilm, il montre aux autres. Billatihi ya ahsan. Et si ça fait des fitan, tu as montré, ils écoutent pas. Enfin, tu peux manger chez toi à l'heure. Summa, tu viens, tu vas au masjid, ou tu salli, et t'évites. Al-qil, ou al-qal, ou al-munaqashat, al-fariqa. Et la division, et robama, ils ont une mauvaise image des gens de la sunna. Tout ça, pourquoi? Par manque de hikma. Fait qu'Alam, Cheikh Al-Albani, les mouvides, on l'avait lu dans le Sharh de Umdat al-Ahkam, qu'on avait fait avec les frères il y a 2 ans. Fait, celui qui le veut, qui veut écouter Kalam Cheikh Al-Albani, fait, yuraji' kalamuhu rahmatullah alayhi. Fi as-sulsila, sulsila til-huda wal-nour. فلا إفراط ولا تفريط في هذا الباب. On fait attention de ne pas retarder la haja. Et كذلك on fait attention de ne pas manger كذلك avant le waqt. لأن الوعيد il est شديد. Rompre le jeûne alors que le soleil s'est pas couché. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه كانه حديث نعم الإسراء والمعراج. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu بعض الناس se faire châtier. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أجداقهم دما. Il a vu un قوم qui était accroché et le sang écoulait. Ils étaient accrochés عياذا بالله avec des crochets min hadid et le sang écoulait. فقلت من هؤلاء. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé من هؤلاء. Et c'est qui Haoula? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour subir ce châtiment? فَقَالَ هَاُولَا الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ. C'est ceux qui rompaient leur jeûne avant l'heure. Et avant al-ghuroub, avant waqt al-maghrib. Al-hadith, صححه الإمام مقبل الوادعي رحمة الله عليه في الجامع الصحيح. Donc, لا إفراط ولا تفريط. Rompre le jeûne, se précipiter à le rompre, et d'agharabat al-shams, quand le soleil s'est couché, et le retarder bighayri haja, on n'a pas besoin de hada, bel c'est min sifat al-yahoud wa tashabbaha bil-yahoud fi hada al-bab al-rawafid al-zanadiqa annahum ils rompent leur jeûne al-rawafid al-rafida, et ils ont pris comme exemple al-yahoud, hatta les étoiles elles apparaissent, et la nuit elle est vraiment tombée, et robama une demi-heure après al-ghuroub. Voilà, nous on se précipite à rompre dès que l'heure est arrivée, dès que le soleil il s'est couché. Et l'imam Ibn al-Munaqqin rahmatullah alayhi fi sharhihi ala 'umdat al-ahkam, il a cité des fawaid et des hikam, et pourquoi c'est mieux de se précipiter à rompre le jeûne et ne pas attendre. Il a cité plusieurs points qu'on a résumé huna. Qala rahmatullah alayhi, ومنها إنما حظ صلى الله عليه وسلم على التعجيل للفطر لئلا يزاد في النهار من الليل فيكون زيادة في الفرض. لأن si on continue à jeûner alors que le soleil s'est couché, en fait c'est comme si on était encore en journée, ça rajoute dans l'obligation de siyam, alors que l'obligation elle s'arrête عند الغروب. Mais celui qui ne rompt pas, لأنه il sait pas, c'est involontaire, il a pas eu le temps, la yata'ammad fala shay alayh. Amma celui qui le fait volontairement, il pense que c'est mieux, comme ils ont fait le rawafid, هذا سبب البدع والانحراف وكذلك التشبه باليهود. ومن الفوائد ان ذلك ارفق للصائم. وهذا الدين il est fondé sur le rifq, sur la rahma. Donc c'est une facilité pour celui qui jeûne. Anna la durée, elle est terminée du jeûne, c'est min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams, jusqu'au coucher du soleil. Il n'y a aucune utilité de repousser. Lianna al-waqt il est fini. Et ce dîn il est fondé sur al-rahma. Et l'exagération, ça ne fait pas partie de notre dîn. Min al-fawa'id kadalik, qala fihi al-radd 'ala al-shi'a alladhina yu'akhiruna al-fitr ila dhuhur al-nujum. Kadalik, ce hadith, c'est une réplique à ha'ula al-zanadiqa al-dhulla. Annahum, ils retardent volontairement. Et fait le haqiqa, c'est pour contredire al-muslimoun. Fali hada tashabbahu bil-yahoud. Ils ont ressemblé à l'yahoud. Fi hada al-bab ou fi ghayri. Qala kadhalik min al-fawa'id yu'khad minhu aydan, ay al-hadith, taqdim al-fitr ala al-salat. لأنه أبلغ في التعجيل. نستفيد من هذا الحديث كذلك أن avant de faire la salat, on rompt le jeûne, on coupe notre jeûne, ولو avec un verre d'eau. لماذا؟ لأن si on fait la salat, خاصة les hommes qui vont au masjid, ربما le temps que tu ailles au masjid, le temps qu'il fasse la salat, le temps que tu reviens chez toi, ربما la nuit elle est tombée. Car في هذا الحال tu peux pas appliquer ce hadith. Enfin, avant de te rendre au masjid, avant de faire le salat, hatta les femmes qui font le salat chez elles, avant de faire le salat, là, on doit appliquer cette sunnah de couper notre jeûne. Et Cheikh Al-Fawzan, il va citer cette mas'ala. Naam, il l'a cité. Enfin, on la lira ensemble, incha'Allah. Qala, fihi aydan al-hath ala tiba'a sunnah wa tark mukhalafatiha wa anna fasad al-umur بتركها الخير اللي في اتباع السنة. تان اكزامبل هنا avec الافطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الشر اللي في مخالفة السنة. Donc celui qui veut être على خير et mourir على خير بإذن الله جل وعلا, qu'il fasse des efforts dans le suivi de la sunna. أما les gens, ils te sont d'aucune utilité. لأن كثير من الناس ils sont على باطل, فلي suivre ça arrange rien. Et la critique des gens, كذلك, ça ne te fait aucun mal, Akhil Karim, si tu es à la thabat. Amma, contredire la sunna, ça fait du mal. Et délaisser la sunna, ça fait du mal. Tu as un exemple هنا avec l'iftar. هذا ما يتعلق بتعجيل الافطار. Donc, se précipiter à rompre son siyam. C'est une sunna. قال والسنة أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر. فإن لم يجد فعلى ماء لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن رطبات فتمرات دون رواية فتميرات فإن لم تكن تمرات حسى حساوة من ماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. Dans ce point, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, il démontre أن السنة c'est de rompre son jeûne avec des rotab. Et c'est une catégorie de dates. أو على تمر, des dates. أو على ماء, أو de l'eau. هذا الحديث بعض العلماء ضعفوه. Ce hadith, certains savants ils l'ont ضعف, et d'autres ils l'ont صححه وحسن, ومنهم الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه, كذلك الشيخ الألباني إلا حسن, et d'autres ils le ضعف. En se basant sur la parole de l'imam Abu Zur'a et Abu Hatim عليهما رحمة الله, قالوا لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من أين جاء به عبد الرزاق, وهؤلاء من أئمة الجرح والتعديل, أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين. فعلى كل حال, celui qui coupe son jeûne avec rotab ou avec tamr en se basant sur ce hadith, فلا ينكر عليه أبدا. نستفيد من هذا أن لا شك c'est pas une obligation. Est-ce que c'est une sunnah? Il y a une divergence entre les savants par rapport à la faiblesse ou à l'authenticité de ce hadith. Ou à la kulli had, celui qui rompt son jeûne à la tamr, c'est tayyib, comme il a démontré Ibn al-Qayyim, hatta min hayth al-jism, pour ton corps, c'est très bon de rompre ton jeûne avec des dattes. Et celui qui peut pas, ou il mange autre chose, fa lâche y aller. Que ça soit, il rompe avec de l'eau, ou il mange directement, fa hada lâche y aller. Lakin, un tambih que Cheikh Al-Fawzan il a cité هنا, قال وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة أو على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد. هذا لا ينبغي. Celui qui a la قدرة, il délaisse صلاة الجماعة et il mange et il délaisse الصلاة. فهذا لا. نستفيد نحن من هذا أن السنة كما تقدم c'est de rompre son jeûne عند غروب الشمس, avec un verre d'eau, avec des dates, avec quelque chose de yassir. ثم بعد ذلك se rendre au masjid. En fait, tu as appliqué la sunna de rompre le jeûne au coucher du soleil. ثم tu appliques l'obligation. لأن صلاة الجماعة c'est une obligation. Et on a détaillé cette mas'ala plusieurs fois. فَهِيَذَا الْحَدْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ On applique les deux. أَمَّا délaisser الصَّلَاةِ فِي الْجَمَعَةِ فَلَا يَجُوزُ Sauf celui qui a un udhr shar'i, qu'elle marad, la maladie ou autre. كَذَلِكَ L'erreur que certains y font, ils se rendent au masjid et ils n'ont pas rompu leur jeûne. وَتَقَدَّمْ مَعَنَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَلْ نَاسُ بِخَيْرٍ مَعَجَّلُوا الْفِطْرِ فَالسُنَّة c'est de rassembler les deux, manger ou boire, ou quelque chose de yassir, ثم se rendre au masjid. قال الشيخ الفوزان ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن الجماعة في المسجد ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. هذا الحال ce مسلم si fait pas salat alors que في الحقيقة si on jeûne c'est pour se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. Et Allah سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة في الجماعة واركعوا مع الراكعين. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم il a songé, il a pensé à brûler les maisons de ceux qui ne viennent pas au masjid comme في الصحيحين. Et ça c'est من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ça serait pas obligatoire, il aurait jamais pensé à brûler les maisons de هؤلاء qui ne viennent pas في صلاة الجماعة. وابن مسعود رضي الله عنه قال أنه ما كان يتأخر عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. À l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, ils considéraient celui qui ne vient pas au masjid comme un munafiq. Et c'était que le munafiqoun qui ne venait pas salat al-jama'a. Ça, tous ces aqwal qu'on a cités, ces hadiths, le verset, la parole d'Ibn Mas'ud, ça montre wujub salat al-jama'a. Qala wa yufawwit 'ala nafsihi thawaban 'aziman. فكما قلنا أن on jeûne c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, فإذا أذن المؤذن أو غربة الشمس ففي هذا الحال tu rompes ton jeûne et ne tombe pas dans cette ma'asiyah. Toute la journée tu as jeûné ولله الحمد ثم pour manger tu délaisses une obligation أي صلاة الجماعة pour les hommes. كذلك الثواب العظيم أن صلاة الجماعة il y a une récompense أو elle dépasse en degré صلاة الفرد 25 أو 27 fois كما جاء في الحديث. قال ويعرضها للعقوبة والمشروع للصائم أن يفطر أولا. Ça c'est le résumé de tout ce qu'on vient de voir. المشروع celui qui veut appliquer la sunna, للصائم أن يفطر أولا. Quand c'est l'heure, que ce soit المؤذن t'entends le أذان et il l'a fait à l'heure, ou le soleil s'est couché, فهذا الحال tu coupes ton jeûne avec des dattes, avec de l'eau, avec quelque chose. المهم t'es plus صائم. لماذا؟ لأن الوقت il est fini. ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم يذهب ثم pour les hommes le masjid للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. ثم quand tu reviens من المسجد في هذا الحال si tu veux manger فتu manges. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في شرح عمدة الفقه ويستحب أن يفطر قبل الصلاة لأن التعجيل إنما يحصل بذلك ولأنه أقرب إلى جمع الهم في الصلاة. أنه avant de se rendre au masjid ou avant de faire salat, حتى ceux qui ils sont pas concernés par l'obligation du masjid, فيأكل il mange quelque chose ou il boit pour appliquer la sunnah qui est citée dans hadith سهل رضي الله عنه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر. أنس témoigne أنه رضي الله عنه أنه il a jamais vu un nabi صلى الله عليه وسلم faire salat al-maghrib quand il était صائم, quand il jeûnait, avant d'avoir mangé ou bu. قال ولو كان على شربة من ماء ولو un verre d'eau ولو il a bu quelque chose ou il a bu de l'eau alayhi salatu wassalam. Ça nous montre que le sa'im avant de faire salat il coupe son jeûne. Enfin, dans cette mas'ala كذلك la ifrat wa la tafrit. On ne délaisse pas la nourriture et on mange rien, on boit rien jusqu'à qu'on finisse le salat. Fi hada al hal on n'aura pas rompu notre jeûne au moment que le prophète sallallahu alayhi wasallam nous a indiqué. كذلك on fait pas l'erreur d'autres annahum mange et délaisse salat al maghrib et délaisse salat al jamaa. La hada wa la hada. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ومن الدعاء الوارد أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما هذه الأدعية اللهم لك صمت إلى آخره إلى الدوزيام دعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق. Ces deux invocations, les hadiths, ils sont faibles. Dans le premier, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ce hadith akhrajahu al-imam al-Darqutni, Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa fi sanadihi Abdul Malik ibn Harun ibn Antara. Yarwih an abih wa huwa matruk wa abuh dha'if. Tu vois que al-dha'if il est shadid. Ce rapporteur, il rapporte son père, et son père il est matruk. Les ulama ou le hadith, ils n'ont pas accepté son hadith. Et lui-même, il est daïf. Enfin, tu as deux ilal, tu as deux causes pour daïf ce hadith. Et naam, ce que je viens de citer, l'ilal, c'est un autre hadith, lakin il ressent Allahumma laka sumtu ala rizqika aftarna, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. On a cité أنه أخرجه الإمام الدارقطني إلى ضعيف. Et le hadith qu'il a cité sur le Fawzan, اللهم لك صمت على رزقك أفطرت في سنده إسماعيل بن عمر وهو ضعيف. وداود ابن الزبرقان كأنه هكذا وهو متروك. كذلك للشديد الضعيف. Le dernier hadith ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله إلى ضعيف كذلك. في سنده مروان ابن سالم المقفع أو المقفع ينظر وهو مجهول الحال. Dans la chaîne de transmission, il y a un inconnu. On ne connaît pas. Les ulama ne connaissent pas son hal. Fa al-hadith il est ضعيف كذلك. لكن il y a un hadith في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم. Trois catégories de personnes, leurs du'a, elles sont acceptées. Elles ne sont pas rejetées. Al-imam al-adil, le gouverneur juste. Was-sa'im hatta yuftir, celui qui fait le siyam, il jeûne jusqu'au coucher du soleil. Wa da'watu al-madloum, et kadhalik, celui qui subit une injustice. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce hadith, dans notre dors, c'est As-sa'im hatta yuftir. Hada, ça nous montre anna akhil karim la tuharim nafsak, et tu attends waqt al-iftar pour faire le dua. Limada, li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré anna as-sa'im dua uhu mustajab toute la journée. Akthir min al-dua, fais beaucoup de dua tant que tu es sa'im. Amma الأدعية qui sont cités dans certains ahadith أن quand tu rompes ton jeûne tu dois dire telle chose, فكلها ضعيفة والله أعلم. فالمشروع c'est que tu dises Bismillah, c'est wajib avant de manger, ثم tu rompes ton jeûne, et تكثر من الدعاء toute la journée, et كذلك quand tu rompes ton jeûne, لأن الصائم دعوته لا ترد. Cheikh مقبل رحمة الله عليه, le dernier hadith qu'on a cité, إلا صحح كما في الجامع الصحيح. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Chaque musulman doit faire des efforts pour apprendre son din, apprendre at-tawhid, apprendre l'explication des deux shahada, apprendre sa aqida, خاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات الولاء والبراء القدر. Tout ça c'est des sujets très très importants. Chaque musulman il en a besoin nuit et jour. كذلك ما يتعلق بصلاته وبالطهارة, comment faire salat, comment faire الوضوء. يتعلم كذلك نواقض الوضوء, c'est quoi qui annule الوضوء, les choses qui sont permises à faire pendant salat, les choses qui annulent la salat. هذا c'est مهم. كذلك celui qui a de l'argent يتعلم كيف يزكي, à partir de quelle somme il doit sortir le zakat, s'il a de l'argent, comment sortir le zakat, qui c'est al-mustahiq, ceux qui méritent de recevoir cette zakat, combien tu dois sortir. Avant Ramadan, on doit faire des efforts pour apprendre ma yata'alaq al-siyam, à partir de quel moment on n'a plus le droit de manger, à partir de quel moment on a le droit de manger, celui qui est malade, celui qui est en voyage, la femme qui est enceinte, la femme qui est allaite. Tout ça c'est muhim. Mais attendre et ne pas apprendre, thumma suivre les autres. Anna fulani fait. C'est pas grave, les anna les gens ils font. Ahada, c'est pas min amal al muwaffaqin. C'est pas min amal al ulama wa talabat al ilm. Là, vous avez vu, anna celui qui retarde al iftar, c'est une ressemblance à l'Yahoud ou à Rawafid, et ça peut impliquer un très grand mal. Même avec des autres choses. Ba'duhum, ils font des choses qui annulent le siyam, et masakin, ils ne savent pas, ils sont ignorants. Nous, ça nous montre qu'on doit faire des efforts pour l'ilm, apprendre ces choses, et كذلك pour annoncer ou ta'lim, montrer aux autres. Comme les gens, ils n'ont pas accès aux durus, ils n'ont pas accès aux livres. Ils sont مشغول بالدنيا مسلمون عوام, et c'est à nous de leur montrer, même s'ils ont un taqsir, même s'ils donnent pas d'importance à cela, nous on doit donner de l'importance et leur montrer avec une khutba. Celui qui est imam, une khutba de jumu'ah, il leur explique l'ahkam avant siyam, pendant siyam, ou celui qui fait des durus, enfin l'étude, ce genre de livre comme on fait nous ensemble, wallahi alhamd, ou celui qui peut traduire et propage, ou celui qui conseille ses proches, conseille sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, hatta inshallah yantashiru al-khayr. On a une mas'ouliya. Wallahi alhamd, on étudie ensemble ce livre et il est très simple. Et Cheikh Al-Fawzan, il a résumé, il a simplifié. Chaque mas'ala, il cite un délil, il cite un kalam très simple. Enfin, anta, tu n'as plus qu'à propager, à montrer. Il faut l'apprendre, il faut le mettre en pratique et il faut le propager. C'est ça. Et c'est ça le din, c'est apprentissage, application, propagation. Comme a dit Allah Azza wa Jal dans sourate al-Asr, wal-Asr inna l'insana la fi khusr illa alladhina amanu. C'est ça l'ilm, l'iman est fondé sur l'ilm. Wa amilu s-salihat, al-amal, wa tawasaw bil-haq, wa tawasaw bil-sabr, al-da'wa. Et tu patientes, l'anna al-ba'd, ils ont l'habitude, comme on a cité mathalan, le soleil s'est couché, Robama il le voit devant lui et tu lui montres. Anna, le soleil s'est couché et il veut pas manger, il veut pas boire. L'imam Adha, il dit il faut attendre al-adha, il faut attendre le mu'adhdhin. Fi hadha al-hal anta tu dois avoir de la hikma, montre-lui billati hiya ahsan, montre-lui le bien. La yazal an-nas bi khayr ma ajjalu al-fitr. Tu lui montres ce genre de hadith et tu lui expliques. Robama ça va le motiver, li anna al-ba'd ils ont l'habitude de ces mukhalafat. Pour eux, tout le monde fait, ils ont été éduqués, ils ont grandi avec cela. Enfin, c'est pas simple du jour au lendemain de l'enlever. Illa man waffaqahu Allah. On doit être une rahma pour les autres. On doit leur montrer, on leur veut leur bien. Et inshallah, celui qui accepte, ben c'est du khayr. Celui qui accepte pas, ça nous fait aucun mal. Bel celui qui montre, il est ma'jour. Limada, li annahu, il a montré. Qala Cheikh Al-Fawzan. وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله. Ça nous montre que c'est pas tous ceux qui font siyam, le siyam il est accepté. لا. الصيام لابد من نية صالحة. Il faut une bonne intention. أولا كذلك il faut éviter les choses qui annulent ce siyam. قال فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة القدوة c'est le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. الأسوة c'est l'exemple, le modèle, c'est le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ce qui nous a montré ça fait du mal au siyam, ça fait du mal au siyam, même si les gens ils le font. Et ce qu'il nous a montré, ça fait aucun mal au siyam, ça fait aucun mal au siyam, même si des gens ils pensent que ça fait du mal. Wahakada, tout ça bil ilm. Fan nasiha lil jami', c'est de faire des efforts fi dirasati hadhihi al ahkam, de lire des livres, d'écouter des durus, hatta inshallah quand le mois de Ramadan il débute, on est à la ilm. Comme les gens, vous avez remarqué fi Ramadan, avant Ramadan ou pendant Ramadan, ils ont beaucoup de questions. Limada, ça montre qu'ils ont du khair et ils veulent le khair. Lakin, avec un peu d'effort, l'écoute de quelques doses ou de la lecture, alhamdulillah, l'umour wadiha. Ils se posent des questions, est-ce que c'est permis de faire telle chose? Est-ce que c'est permis de faire telle chose? Est-ce que c'est pas permis? Est-ce que ça annule l'assiyam? Wahakada. Est-ce que c'est permis de manger pendant le voyage? Des questions qui reviennent souvent. Et falhaqiqa, avec un peu d'effort, les réponses, elles sont très simples. فوفق الله الجميع ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.